soleil brillera sur moi. Je serai, je crois, quelqu'un d'autre que toi. Une entité unique qui ne regarde que moi. Qui sourit, qui mange et qui craint le froid. Oh, futur, mon avenir, je t'aime tant. Je me vois déjà au sommet sans argent. Plastifier l'appétit sans prendre de gants. Libérer mes idées, vivre avec tes gens. J'oublierai toute la vie que je viens d'avoir. Partager ma gueule et tout son bon savoir. S'arrêter le vivre pour le roi sur son bon vouloir. Qu'on me fasse chier encore une fois pour tous les soirs. Quand le soleil brillera sur moi, je serai, je crois, quelqu'un d'autre que toi. Une entité unique qui ne regarde que moi. Qui sourit, qui mange et qui craint le froid. Alors, vas-y, mon gars, viens par ici pour voir. Lance-toi pas avant d'avoir vu mon regard. Rends-toi compte que ton caleçon virera au noir. T'as devant toi un gars qui s'était pas un phare. Oh, monde, crois-moi, je compte bien traverser le temps. Vivre assez pour rire et pianoter longtemps. Gueuler un coup, tout briser pendant un moment. Tirer profit de l'air, respirer calmement. Quand le soleil brillera sur moi, je serai, je crois, quelqu'un d'autre que toi. Une entité unique qui ne regarde que moi. Qui sourit, qui mange et qui craint le froid. Crever jeune, heureux ou mourir vieux et embêté. Oui, mon choix est fait, peut-être suis-je défoncé. Aux souvenirs sympas qui se laissent relancer. Vivant ou mort, je veux pas être emmerdé. Et par conséquent, je laisse mes atomes dans leur coin. Le futur ne regarde que ceux qui en prennent soin. Je ne prendrai jamais part à tous ces festins. Je me suis vu très loin et ça avait l'air bien. Quand le soleil brillera sur moi, je serai, je crois, quelqu'un d'autre que toi. Une entité unique qui ne regarde que moi. Qui sourit, qui mange et qui craint le froid. Quand le soleil brillera sur moi, je serai, je crois, quelqu'un d'autre que toi. Une entité unique qui ne regarde que moi. Qui sourit, qui mange et qui craint le froid. Mais quand le soleil brillera sur moi. Quand le soleil brillera sur moi.